ce lundi à Assemblage Requis. Martin Bertrand parle de télé-réalité dans ses petites mythologies. François Landry, comment tous les lundis, nous parle de politique. Et si je survis au virus qui m'afflige, j'irai une chronique technologique CNX. Ah, c'est ça que ça fait, les clés USB insérées au mauvais endroit. Assemblage Requis, lundi, 15h.